19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Et bien, ravi de vous retrouver une fois de plus pour ce rendez-vous métallique, donc de décrassage des esgourdes, comme toutes les semaines depuis maintenant un peu plus de 16 ans, bientôt 17. Et ouais, comme le temps passe vite. Donc ce soir, pour vous décrasser les cages à miel, j'aurai des nouveautés à vous proposer, bien sûr, qui seront au nombre de 5. Et on aura également une petite exclue puisque nous aurons une petite interview par téléphone d'un groupe de l'Est de la France que vous connaissez parce qu'on a déjà passé plusieurs fois de leurs œuvres. Il s'agit du groupe Dusk of Delusion. Et ça, faudra attendre un peu plus tard pour ça. Sinon, comme d'habitude, on va revenir aussi sur des petites choses qui sont sorties ces derniers temps car maintenant on peut dire que c'est reparti pour de bon, une activité quand même relativement chargée. Eh bien, commençons par contre tranquillement, tout doucement, très psychédélique, avec le premier album de Burst qui est sorti cet été pour Burst. C'est un groupe américain qui est composé donc d'anciens musiciens de Radio Moscow, entre autres. Et là, on voyage carrément à la fin des 60s. Enfin bref, c'est tout à fait le genre de groupe qu'on aurait pu entendre à Woodstock. Extrait donc de ce premier album qui s'appelle Born, c'est Another Time. Thank you. fin du petit revival 70s, mais pourtant, qu'est-ce que ça fait du bien. Children of the Sun, les Suédois, avec leur deuxième album Roots, un album vraiment magnifique. C'était le morceau Gas Lightning, juste avant, venu des States, et dans ce même esprit psyché, c'était le groupe Birth avec son premier album Born, et le morceau Another Time qu'on a eu ce soir. On va se faire la première nouveauté de la soirée, et ça c'est une des très grosses nouveautés de cette rentrée, et même de l'année 2022. C'est le septième album très attendu de Slipknot, donc là on change complètement de registre, on va passer dans quelque chose de beaucoup plus méchant, qui s'intitule The End So Far, qui est sorti donc le 30 septembre dernier. Alors, je pense que cet album va diviser vraiment les fans. Ceux qui étaient vraiment restés aux deux premiers albums, au tabassage incessant, vont être déçus, voire même rester sur leur faim. Non pas qu'il n'y a pas de morceaux qui tabassent et qui arrachent tout sur leur passage, c'est clair. Mais on sent que Slipknot s'est laissé aller, a expérimenté, et ils ont eu bien raison de faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Je vous dirais que la première écoute est surprenante, voire même déconcertante, parce que quand j'ai passé le premier morceau sur ma platine, je me suis dit, mais... il y a eu une erreur de gravage là, il y a eu quelque chose, c'est pas du Slipknot. Tout le premier morceau, enfin on reconnaît la voix de Corey Taylor quand même, mais on est très très loin des énervés de Damon. Ensuite, oui, on retrouve le son Slipknot, mais on retrouve plein de choses très différentes, ce qui était déjà un peu le cas sur le précédent, mais là de façon beaucoup plus marquée. Alors croyez-moi, moi maintenant je peux vous dire que cet album je l'ai apprivoisé, ça fait une semaine qu'il tourne en boucle sur mes platines, mais au départ je dois avouer que j'étais quand même surpris. Et franchement, si vous êtes fan de Slipknot et que vous êtes déconcerté à la première écoute et vous dites « Ah, qu'est-ce que c'est que ça ?» ne le rangez pas, réécoutez-le attentivement, vous verrez au fur et à mesure, c'est un album qu'on découvre et qu'on redécouvre et qui est vraiment un de leurs meilleurs albums, sans problème à mon avis. D'ailleurs, vous connaissez peut-être l'album, bah, si ce n'est pas que ce soit le cas ou pas, je vous invite à découvrir le morceau Medicine for the Dead, où on retrouve un mélange des deux, à la fois le côté expérimental et le côté un petit peu tabassage malgré tout. Étonnant, non? Comme aurait dit le regretté Pierre Desproges. Slipknot, donc, Medicine for the Dead, un extrait, donc, The End So Far. Le dernier album, donc, sorti le 30 septembre dernier, qui vraiment est une très belle réussite et que Corey Taylor montre vraiment qu'il est un chanteur vraiment hors pair tout du long de cet album. Tellement sa performance, je trouve, est vraiment époustouflante. Croyez-moi, on va en revoir dans les semaines qui vont suivre. Changeons complètement de registre avec quelque chose de plus joyeux et sautillant. Un groupe qu'on a découvert la semaine dernière, qui était une des nouveautés. D'ailleurs, on avait eu la chance, d'ailleurs, rappelez-vous, de discuter avec Loïc, le bassiste, par téléphone. C'est ce groupe, on va dire, cosmopolite, qui est Double Negative, et son album Shutter the Wanderers. Et on va se faire un petit morceau intitulé 83 Days. morning, feeling so upset. You're about to give up, feeling just like waste. We won't help you till you say. Les Limougeaux de Desert Doux et leur premier album Mirror, c'était The Way Out. Groupe cosmopolite que vous on a découvert la semaine dernière, Double Negative et son dernier opus Shattered the Wanderer, c'était le morceau 83 Days. On va passer maintenant à du live plus bluesy et pour ça on va revenir au live de Orianti, la guitariste qui a joué entre autres avec Prince, Alice Cooper et qui a failli être la guitariste de la tournée de Michael Jackson, qui nous est revenue cet été avec un live enregistré à Hollywood. D'ailleurs, son prochain opus studio devrait sortir à la fin du mois d'octobre. Et ben là, on va se faire un morceau assez bluesy dans un feeling très Gary Moore, je trouve, qui s'intitule How Do You Sleep. Thank you. Just to break. que je vous disais, n'est-ce pas? On aurait pu croire que c'était le regretté Gary Moore. Et non, c'était Orianti avec How Do You Sleep, qu'on peut trouver sur le CD-DVD Live from Hollywood, sorti cet été. Revenons chez nous en France avec le groupe Sphères et son deuxième album Helios, que je vous ai présenté la semaine dernière. Mélange de rock progressif et de death metal, enfin de plein de choses. On pense à des, par moments à Mastodon, à Gojira, à Symphonix, enfin tout ça se mélange et c'est très heureux, c'est très bien fait. D'ailleurs, Sphères a été chroniqué dans Rockard ce mois-ci. Un petit extrait de l'album Helios, c'est Running Man. 21. After the global warming, the world economy is in shambles. It has become a totalitarian dystopia. The multinational control all the television stations. Till the city departed, and the city pole has become a permanent underclass. Desperate by poverty, has turned to the game network. A government operating television station that run violent game shows. Of its need to appear on the most popular, lucrative, and dangerous program. Claude, the Running Man. Intéressant, hein, n'est-ce pas? C'était donc Spheres avec Running Man, un extrait de leur deuxième album Helios, donc vraiment un groupe que je vous encourage à découvrir. Deuxième nouveauté de la soirée, là on va faire un petit tour en Irlande avec un groupe qui s'appelle Stranglewire, un groupe qui existe depuis 2017, dont c'est le premier album. Ils ont fait un 45 tours en 2017 et un mini CD en 2018. Alors là, on va changer de registre, dans le plus brutal. Si vous aimez le death metal pur et dur, eh bien, je pense que ce groupe est fait pour vous. L'album s'appelle, Oui, pourtant je l'ai noté. Eh bien, Shaped from Human Frailty. Et ce qu'on va découvrir tout de suite, c'est Learned Wretchedness. We'll be right back. Qu'est-ce qui vous nettoie les oreilles avec du fil de fer barbelé et qui vous grille les neurones au passage? Ben c'est Electric Shock, bien sûr. Et Electric Shock, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Ben là, je crois qu'on s'est bien décrassé les esgourdes avec Arc Enemy et son dernier album Deceiver. C'était House of Mirrors. Et la deuxième nouveauté de la soirée qui nous vient d'Irlande, le groupe Stranglewire et son premier album Shaped by Human Frailty et le morceau Learned Wretchedness. Changeons de registre, maintenant allons faire un tour en Germanie où on va retrouver le heavy metal progressif classieux de Vandenplatz et son dernier live, Live and Immortal, avec un morceau épique qui s'intitule The Last Fight. C'était The Last Fight, un extrait du Live and Immortal, le dernier CD-DVD de Vandenplas. Eh bien, comme je vous l'avais dit tout à l'heure en tout début d'émission, nous avons avoir une interview téléphonique. Et là, j'ai la chance justement d'être en ligne avec Benoît, le chanteur du groupe Dusk of Delusion, qui va nous parler de son dernier album, du passé, de plein de choses, bien évidemment. Allez, on y va. Donc, salut Benoît. Allô? Ah, nous avons eu un problème technique, ça a raccroché. Bon, bah, désolé, on va revenir donc à autre chose. Bon, c'est les inconvénients du direct, voyez-vous. Donc, changeons de registre, on va passer à quelque chose de très rock'n'roll, avec une nouveauté aussi. Un groupe qui s'appelle Octane, donc, qui nous vient donc de la région parisienne, dont c'est le troisième album, qui s'appelle Back in the Game. Et on va découvrir le morceau Evil. J'espère qu'entre temps, on va revoir l'ami Benoît en ligne. En attendant, donc Octane. Look at me and tell me why. Go to Hell, Motorhead, vous avez reconnu bien sûr, donc c'était la démo, extrait donc de l'album Iron Fist, dont l'édition 40e anniversaire qui contient donc des démos et un CD live inédit et l'album remasterisé. Juste avant, une des nouveautés de la semaine, troisième album du groupe Octane, avec un extrait de cet album qui s'appelle Back in the Game, c'était le morceau Evil. Eh bien, tout à l'heure, nous n'avons pas eu de chance avec Benoît. Il a retenté sa chance. Ben, j'espère que ce coup-ci, nous n'allons pas avoir de problème technique ou que votre animateur préféré ne merde pas non plus. Alors, hop. Bon, nous avons un problème, apparemment. Allô, Benoît ? Allô, allô ? Désolé, je crois qu'on a un gros souci pour ce soir. J'ai bien peur que l'interview avec Benoît, on va mettre ça la semaine prochaine parce que je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est bon. Voilà, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est les inconvénients du direct. Voilà, vraiment désolé pour ce que dit le jeune, mais vous inquiétez pas, ce n'est que partie remise. On va essayer de refaire ça la semaine prochaine. On va recaler ça. Vous inquiétez pas. En attendant, continuons avec les Suédoises de Sondermother et leur album Black and Gold. Et on va essayer le morceau Light in the Sky. venue de Nouvelle-Zélande. Et ouais, c'est l'avantage de la radio. On peut voyager dans le temps et l'espace sans bouger de son fauteuil. Devilskin avec leur deuxième album, Be Like the River, sorti en 2016. C'était In Black et Devilskin qu'on avait pu voir il y a quelques années en France, à Paris, en première partie de Hellstorm. Juste avant, les Suédoises de Sondor Moser et leur nouvel album, leur cinquième Black and Gold, qui est sorti cet été, et c'était Light in the Sky. Revenons à ce qui a été une des plus grosses sorties de cette rentrée 2022, c'est le nouvel album de Megadeth, qui ne nous a pas déçus, bien au contraire. Megadeth qui nous est revenu rageur comme jamais. Alors je sais pas si c'est la pandémie, le fait du cancer de la gorge de Dave Mustaine qui a redonné une rage qu'on n'aurait pas cru. En fait, on se retrouve vraiment à l'époque de Rust in Peace et de Countdown to Extinction. C'est pas que les derniers albums, Super Colliders et Endgame 13, étaient mauvais, loin de là, mais là, je sens qu'on a retrouvé vraiment cet esprit, et c'est tant mieux. Donc, extrait de The Sick, The Dying and The Dead. Vous voyez, même dans les titres, on se rapproche de Peace Sells But Who's Buying ou Killing Is My Business and Business Is Good. Et un morceau qui s'intitule Sacrifice, un petit bulot, brûlot, bien trash, comme on les aime. We'll be right back. Le groupe norvégien Tonic Breed avec un extrait de son EP Fuel the Fire, Blood Moon. Bah, c'est dommage parce qu'il n'y a que 4 morceaux et on a diffusé les 4 parce que s'il y aurait eu d'autres morceaux, croyez-moi que dans les semaines qui auraient suivi, on en aurait eu d'autres parce que c'est vraiment très intéressant. Très intéressant aussi, c'est le nouvel album de Megadeth qui est sorti là début septembre et qui ne nous a pas déçus. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Retour aux sources du bon trash qui dégage comme à la grande époque des années 90. Donc, The Sick, The Dying and The Dead, c'est son titre. Et c'était le morceau, donc, Sacrifice, que vous avez eu ce soir. On va se faire, donc, la quatrième et juste dernière nouveauté, puisque, Dusk of Delusion. Merci à Benoît, quand même, d'avoir retenté. On essaiera la semaine prochaine d'avoir une petite discussion avec lui. Donc, la quatrième nouveauté de la soirée, c'est sorti fin août. C'est un nouveau live de Deep Purple, vous allez dire encore un. Mais là, ils ont été, je sais pas si c'est vraiment le groupe qui a sorti ça. Recherché dans les archives, puisqu'il s'agit d'un concert de 1995. Donc, c'est vraiment les tout débuts de Steve Morse. D'ailleurs, je trouve ça un petit peu ironique que ça sorte maintenant, alors que Steve Morse vient juste de quitter le groupe. Enfin, bon, ça, c'est les hasards du calendrier. Donc, à l'époque, en 1995, donc, Steve Morse venait juste de rejoindre Deep Purple et commencer à répéter pour le futur album de, qui s'appellera Pure Pendicular, et a donné quelques concerts dans des endroits où il n'a jamais foutu les pieds, comme les Indes, l'Afrique du Sud et justement aux Indes, à Bombay, dans un grand stade. Ils avaient donc enregistré, enfin pas eux, mais la télévision indienne avait enregistré et filmé donc le concert là qui vient de ressortir. Enfin, celui-ci était sorti en DVD en tout début des années 2000, mais de façon très confidentielle puisque c'était sur leur label. Il était ressorti dans un coffret qui s'appelait Around the World, il y a de ça une quinzaine d'années. Et là, il est ressorti avec en plus le double CD donc du concert quasi intégral, puisqu'il manque juste le premier morceau, Fireball, car sur la première piste, c'est en même temps un mélange d'interviews et de musique, et je pense qu'ils n'ont pas pu dissocier tout ça, donc ils ont préféré le squeezer. Alors l'arrivée de Steve Morse a beaucoup changé de choses en Deep Purple. Justement, le groupe en a profité pour jouer des morceaux que Blackmore ne voulait pas jouer, tels Pictures of Home, Fireball, des choses comme ça, et ainsi de suite. Et donc, ils s'en sont donnés à cœur joie. Sur ce live qui s'intitule donc Bombay Calling, justement, on va se faire un morceau extrait de l'album Machine Head en 72 qui, je crois, n'a été quasiment jamais joué. C'est Maybe I'm Leo. We'll be right back.

Traveler in Time, Uriah Heep, extrait de l'album Live at Coco London 2014, sorti en 2015. Et Traveler in Time, c'était un extrait donc de l'album Demons and Wizards, sorti en 1972. Et Uriah Heep donc seront en concert dimanche à Paris, à l'Olympia. Excusez du peu quand même, c'est bien mérité pour un groupe de cette trempe. Juste avant, morceau de 1972 également, mais lui extrait de Machine Head, puisqu'il s'agissait de Maybe I'm a Leo, mais là en version live et enregistré à Bombay, donc extrait du CD-DVD Bombay Calling Live in 1995, voilà, tout simplement, putain j'arrive plus à parler. Et vous avez pu vous rendre compte que Steve Morse, déjà, alors que ça faisait quoi, même pas un an qu'il était dans le groupe, était vraiment à l'aise avec le répertoire, comme on a pu le constater lors de ses 28 dernières années où il a été le guitariste de Deep Purple. Et bien maintenant, allons faire un petit tour du côté du Japon et allons revenir au double album Sunburst de Loudness pour leurs 40 ans de carrière, puisque celui-ci est sorti en décembre 2021, du moins du côté de l'Empire du Soleil Levant, et chez nous, il a fallu attendre cet été. Un titre exclusivement dont le titre n'est pas en japonais, juste en anglais, par contre les paroles, c'est toujours un sabir, un mélange des deux, c'est Crazy World. We'll be right back. Il n'y a pas à dire, Akira Takasaki, le guitariste de Loudness, baille en pleine forme quand il nous le montre sur ce Crazy World, extrait du double album Sunburst de Loudness, sorti donc cet été. Eh bien, on va se faire maintenant un petit live d'un groupe qui donc a célébré ses 40 ans de carrière l'année dernière, en pleine pandémie. C'est Anthrax qui donc nous a sorti un CD, non pas DVD, mais Blu-ray. Ça, c'est une tendance qui se fait de plus en plus en ce moment. Et ça a tendance à m'agacer parce que les gens qui n'ont pas de lecteur Blu-ray, voilà, donc on peut se contenter juste du son. Enfin, toujours est-il qu'Anthrax a délivré un concert vraiment fabuleux, mais par contre sans public. Et c'est vrai, quand on l'écoute, on se demande comment ça se fait, parce que quand on écoute par exemple le live de Gamma Ray, on sent bien qu'ils sont un petit peu gênés aux entournures, que c'est une répétition grandeur nature en conditions live, mais il n'y a pas le côté niaque que concert peut donner. Anthrax, par contre, eux ne sont pas, se laissent pas démonter, et du coup ce live s'écoute vraiment comme si ils étaient dans une arène où il y avait 15 000 personnes en train de les acclamer. Donc pour leurs 40 ans de carrière, il y a des morceaux de toutes les périodes, sauf celle de John Bush, malheureusement. Ça c'est le petit bémol que je vous ai déjà dit. Des raretés aussi, comme par exemple ce Protest and Survive, qui à l'origine était une reprise de Discharge et figurait sur la compile Attack of the Killer Bees. Et ce morceau a la particularité d'être chanté, enfin on va dire plutôt beuglé, par Scott Ian. Vous êtes prêts? Allez, du Anthrax bien que pont avec Protest and Survive. Quand je vous disais qu'il y a des soirs comme ça, c'est les inconvénients du direct, je sais pas ce qu'il a à la platine. Elle fait une allergie au groupe Anthrax, j'ai l'impression. Et on a eu beaucoup de mal à voir le Protest and Survive, je voulais vous passer la suite, mais bon... vous savez qu'ici, on est quand même persévérant, donc... allez, Anthrax à nouveau. Ah, je suis vraiment désolé, hein, mais ce soir, je crois que c'est vraiment... Non, bah ça ne veut pas, ça veut pas. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça ne veut pas. Bon, bah on va passer à autre chose, hein, pour terminer la soirée. C'était pas ce qu'était le morceau initialement prévu, hein, tant pis pour Anthrax. Bien, pour terminer, on va se passer un morceau de Bible Black. Vous savez, je vous ai présenté ça il y a quelques semaines, ce groupe obscur qui n'a jamais sorti d'album ni quoi que ce soit au tout début des années 80, qui était fondé par des anciens musiciens de Rainbow, dont la seule particularité intéressante, c'était que ben, c'était les débuts de Eric Adams avant qu'il ne rejoigne Manowar, ainsi que de Joey Belladonna. Ils ont fait pas mal d'autres démos avec un autre chanteur qui s'est plutôt illustré dans la comédie musicale, mais qui a eu son moment de gloire, enfin entre guillemets, puisque il a été l'obscur chanteur de Black Sabbath, enfin à l'époque quand Tony Iommi travaillait sur son album solo, le nommé Jeff Fenold, qui avait une voix pas désagréable. Eh bien, on va essayer de se faire un extrait de cet album qui regroupe toutes les démos de l'époque, avec le morceau Backdoor, en espérant que bah il passe, parce que sinon, je sais pas ce qu'on va faire. Come on. Backdoor de Bible Black, extrait donc The Complete Recordings 91-1983. Mais voilà, ce sera donc le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Eh bien, désolé encore une fois pour tous les problèmes techniques rencontrés. J'espère que la semaine prochaine, ça se passera mieux et que, voilà, on fera une émission nettement meilleure, je l'espère. J'espère que vous, d'ici la semaine prochaine, vous irez bien, vous écouterez plein de métal et Radio Arc-en-Ciel. À mardi, salut à tous! Dos campeões via Cláudio, para não correr disse... o risco, só para não correr o risco de interromper o Nuno Matos, apenas assinalar aqui o início do prolongamento deste Portugal-Islândia. Apita nesta altura a árbitra francesa Stéphanie Frappart. Muito bem, via aberta para esse jogo em passos de França.